الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. إن شاء الله تعالى بحول الله عز وجل وبالله التوفيق. Comme prévu, on va commencer la page concernant le récit de Luqman. Ici le sage, Al-Hakim. Ici l'explication de cette page-là. Donc cette page-là, c'est la page ici qui correspond au verset numéro 12 de Sourate Luqman, Sourate 31. Verset numéro 12, et on va traiter le verset 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Normalement, on va arrêter au verset 19. Pas ce soir, ça c'est clair. Si on finit qu'un verset ce soir, c'est déjà bien. À la kulli hal, normalement, c'est ce qui est prévu. Bihawlillahi azza wa jal. Et ensuite, on passe à un autre passage du Coran. Donc, on est au verset 12 de Surat Luqman. Donc, Surat 31, verset 12. Yaqulu jalla wa ala wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Donc on va s'arrêter ici بِحَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Une traduction approximative. Allah عز وجل dit dans le Coran al-Karim, dans cette sourate, sourate Luqman, verset 12, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, al-hikmah. Sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun hamid, c'est-à-dire se dispense de tout et il est digne de louange. Allah Azza wa Jal, bien sûr, on le sait, il n'a pas besoin de nous, walakin, nous, on a besoin de la miséricorde, de la récompense divine, de la miséricorde divine, ainsi que du pardon d'Allah Azza wa Jal. À la kulli hal, on sait tous et tous qu'on a, tous et toutes qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Walakin Allah Azza wa Jal, ghaniyun hamid, Allah Azza wa Jal, il se suffit à lui-même. Il n'a ni besoin d'ange, ni de prophète, ni d'envoyé, ni de toi, ni de moi. Ceci nous pousse à agir avec quoi? Tawadu' envers Allah Azza wa Jal, modestie envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Awalan al-Qur'an al-Karim. Muqaddima, inshallah wa ta'ala. Une petite introduction, inshallah wa ta'ala, et un petit rappel, comme Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran al-Karim, et rappel, car le rappel profite certes à qui? Aux croyants. Allahumma ja'alna minhum. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihi al-aziz. Kitabun anzalnahu ilayk. Mubarak. Liyadabbaru ayatih. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle pourquoi le Coran, le Coran al-Karim a été révélé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on lise le Coran al-Karim. Allah dit dans le Coran al-Karim, كتاب أنزلناه إليك أي إلى محمد عليه الصلاة والسلام مبارك لماذا يا الله ليدبر آياته. الله يدي في القرآن voici un livre béni que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à qui? محمد عليه الصلاة والسلام. Le Coran al-Karim, c'est un livre, نعم, qui est un livre ici qui contient les paroles d'Allah Azza wa Jal. Le Coran al-Karim, c'est un livre qui a été révélé au prophète محمد عليه الصلاة والسلام afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent, afin qu'il médite sur ces versets. Ça, c'est le but principal pour lequel Allah Azza wa Jal a révélé le Coran al-Karim, c'est pour qu'on médite les versets coraniques. Donc ça ne sert à rien de lire le Coran al-Karim, na'am, sans le comprendre, sans méditer et sans l'appliquer. Ça ne sert à rien. Bien plus encore, ça va être un argument contre toi au jour de la résurrection. والدليل على ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم وسأخذ إن شاء الله تعالى جزء من هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans صحيح مسلم, et je prends une partie de ce hadith, c'est un hadith assez long. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith il a dit quoi? Le Coran, le Coran que j'ai en face de moi, que vous avez en face de vous, ça sera un argument. C'est un argument, écoutez bien, pour toi, donc en ta faveur, ou alors contre toi. Pourtant, c'est kalamullah. Walakin, ça dépend comment tu vas utiliser ce livre. En soi-même, il est bien. D'accord? C'est le meilleur des livres. C'est le meilleur des récits. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Lakin, si tu ne sais pas, ici, comment utiliser Al-Quran Al-Karim, comme Allah te l'a enseigné, sache que ça sera un argument pas pour toi mais contre toi. Il va témoigner contre toi, ya Abdullah. Walidha qala jalla jalaluhu fi kitabihi al-aziz ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله عز وجل, c'est pour ça qu'il dit dans le Coran al-Karim, oh vous qui avez cru, qui dites, ah, ça ne suffit pas de dire le bien, ça ne suffit pas de transmettre l'islam, écoute bien, qui dites des choses que vous ne faites pas. C'est une abomination auprès d'Allah Azza wa Jal que de dire des choses que vous ne faites pas. Ça, c'est une abomination auprès d'Allah Azza wa Jal que de dire des choses que vous ne faites pas. Donc quelqu'un va te dire, je fais le bien, je transmets, ana uballigh. ماذا قال الله وماذا قال الرسول بفهم سلف الأمة نقول له هذا لا يكفي. شيء مطلوب وجميل ما شاء الله, ولكن هذا لا يكفي, لابد من العمل ولابد من تدبر أيها الأحباب, من التدبر هنا خصوصا بالنسبة للقرآن الكريم. Il faut obligatoirement l'accomplissement des bonnes actions, des œuvres salutaires. Ici, œuvrer, il faut appliquer, il faut mettre en pratique ce que tu dis, ce que tu transmets. Amma, parler tout simplement sans rien appliquer, ceci sera un argument contre toi, et particulièrement concernant le Coran al-Karim, on se doit de le méditer. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim, كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَدَّبَّرُ آيَاتِهِ. C'est un livre qu'on a révélé à toi, Muhammad alayhi salatu wasallam, Mubarak, béni. Pourquoi? Pour qu'il médite ces versets. Mais billahi alaykum, comment on va méditer les versets coraniques si on ne lit pas le Coran, et si on ne comprend pas le Coran, et si on n'apprend pas à comprendre le Coran al-Karim, et si on délaisse les cercles d'évocation et d'invocation, si on délaisse les cercles d'invocation, comment voulez-vous billahi alaykum qu'on va réussir à comprendre le Coran al-Karim? Si tu lis le Coran al-Karim sans l'appliquer, sans le comprendre, ça sera un argument contre toi, ya Abdallah. Si tu lis le Coran al-Karim en le comprenant, en le méditant, car il faut méditer, ça sert à rien de lire des centaines et centaines et centaines de versets sans méditer. C'est pour ça que Salaf, il était rappelé, ou il a été rapporté qu'il faisait Qiyam ou Layl avec ne serait-ce que un ou deux versets coraniques. Pourquoi? Il comprenait vraiment les versets coraniques. Il méditait. Il pleurait simplement en lisant un verset coranique. Nous maintenant, illa man rahim Allah, tu peux lire quelquefois tout le Coran devant des gens, peut-être qu'il va pas pleurer une seule fois par crainte d'Allah Azza wa Jal. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam a qala kama ja'a fi sahih, tout œil qui a versé une larme min khashyatillahi Azza wa Jal, par crainte envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala, cet œil ne verra jamais le feu de l'enfer. Où sommes-nous par rapport à ça, yu al-ahbab? Ça, c'est un petit rappel très bref et concis. Wa khayrul kalam ma qalla wa dal. C'est pour ça que je recommande ainsi qu'à moi-même, yu al-ahbab, je recommande à mes frères et sœurs ainsi qu'à moi-même, ici, d'essayer de chercher à comprendre que veut dire les versets coraniques. Pourquoi Allah a révélé ce verset coranique? Quelles sont les causes et circonstances de la descente des versets coraniques? Et ici, tu verras que quand tu entendras les versets coraniques récités par un imam, ces versets, ces mêmes versets que tu as étudiés et tu as compris leur sens et leur explication, tu verras que tu vas ressentir ce qu'on appelle al-khushu', l'humilité. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc Allah, regardez, subhanallah, il pose cette interrogation, bien qu'il connaît la réponse, mais pour nous faire méditer, nous, ne médite-t-il pas sur le Coran? Et regardez, il y a deux cas. Ou tu as un cadenas dans le cœur, ou alhamdulillah, tu n'as pas de cadenas dans le cœur. Ou tu médites le Coran al-Karim, ou tu ne médites pas et tu ne comprends pas le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ou أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا. Ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Khalas, si tu ne médites pas le Coran al-Karim, donc d'après ce verset coranique, tu fais partie des personnes qui ont quoi dans leur cœur? وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? La preuve que ici, Allah te rappelle, ça ne suffit pas de le lire. Même si tu le lis avec une belle voix, كَمَا أُنزِلْ, comme il a été révélé. وَهَذَا شَيْءٌ مَطْلُوبٌ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Allah, il le dit, même si tu le récites avec une belle voix, et comme il est descendu avec ses règles, al-ahkam al-tajwid, d'accord, avec les règles de tajwid, tu l'embellis comme il se doit, avec les moudoud comme il se doit, avec al-tarqiq quand il faut faire al-tarqiq, al-tafrim quand il faut faire al-tafrim, al-qalqala quand il faut faire al-qalqala, yani toutes les règles, al-ikhfa, al-idgham, walakin, ici, si tu ne l'appliques pas, tu ne le médites pas, sache que ça sera sûrement un argument, wala hawla wala quwata illa billah, contre toi, ya Abdallah. Al-Qur'an, hujjatun laka, ou alayka, kama qala al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Wa lima la? Wa qalat Aisha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, anin nabiyyi sallallahu alayhi wa salam. Aisha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rapporté quoi du comportement du prophète alayhi salatu wa salam? Quand ils l'ont interrogé, quel était son comportement? Le comportement du prophète, qu'est-ce qu'elle a dit? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, sa moralité, c'était quoi? Le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sahaba radiyallahu anhu wa ardam, c'était des Corans qui marchaient. ils appliquaient le Coran al-Karim dans la vie de tous les jours. Donc ici nous disons, lire le Coran c'est demander. Chaque lettre du Coran, tu as combien de récompenses? 10 hasanat. Bismillahirrahmanirrahim, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons, 19 lettres, c'est ça? 19 lettres, combien de hasanat? 190 hasanat. Regardez l'importance de la langue arabe. Juste si tu lis, Bismillahirrahmanirrahim, t'as 190 hasanat. C'est demandé. Naam. Walakin, nous disons, ici ça ne suffit pas. Il faut le lire comme il est révélé, apprendre les règles de tajwid, le comprendre, le méditer. Et ce qui nous importe le plus, bien que tout est important, c'est quoi? L'appliquer. وصدق علي رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما قال يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عامل. Regardez Ali, qu'est-ce qu'il dit, la parole que je répète souvent, au vous détenteurs de science, celui qui est véritablement un savant, le véritable savant c'est qui? Il dit celui qui apprend et qui met en application ce qu'il a appris. Celui qui apprend et qui met en application ce qu'il a appris. Je termine avec deux hadiths ici très brefs, rapportés par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le jour de la résurrection, on fera venir al-Qur'an al-Karim et les siens. Ah, au jour de la résurrection, Allah il va faire venir al-Qur'an et les siens. C'est-à-dire, ceux qui étaient quoi? Ceux qui lisaient al-Qur'an al-Karim. Ces lecteurs assidus, écoutez bien ce que dit le prophète, qu'ils le mettaient en application, en pratique, dans ce bas monde. Ça suffit pas. Regardez le prophète, il dit, on fera venir le Coran, d'accord? Et ici, les siens, les lecteurs assidus, qu'ils le mettaient en pratique. Ah, il y a cette condition, qu'ils le mettaient en pratique. Comment tu veux mettre en pratique le Coran alors que tu ne lis même pas le Coran, tu ne comprends même pas ce que tu lis, et tu ne sais même pas si le verset, il est nasir ou mansour, il est abrogé ou il a abrogé un autre verset, etc. Tu ne connais rien, d'accord? De la science concernant où sont la tafsir, les fondements de l'exégèse, ou bien ne serait-ce que de l'explication des versets coraniques. Jusqu'à ce que certaines personnes, quand on leur dit, c'est quoi Al-Falaq, qu'on a'oudhu bi Rabbi Al-Falaq, Allahu A'lam, Musiba. Alors que c'est des versets qu'on répète chaque jour, ici, ou peut-être chaque jour et chaque nuit. Donc à nous d'apprendre notre science. On fera venir au jour de la résurrection Al-Qur'an et les siens, ses lecteurs assidus, qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Il est précédé par les chapitres Al-Baqara, la vache, et Al-Imran, la famille d'Imran, qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et qui les appliquait leurs principes. D'accord? Al-Baqara et Al-Imran va venir ici et va te soutenir. D'accord, si tu as été parmi les personnes qui lisaient fréquemment ces sourates, et bien sûr qu'ils les mettaient en pratique leurs principes. Selon Omar ibn al-Khattab, rapporté par Muslim, Allah fera élever par ce livre al-Qur'an certains gens et rabaissera d'autres personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Omar radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salam a dit qu'Allah azzawajal va élever certaines personnes avec le Qur'an al-Karim et va rabaisser d'autres avec le Qur'an al-Karim. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Qur'an, comme je vous ai dit précédemment, لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Vous qui dites des choses que vous ne faites pas. C'est une abomination près d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Donc nous, on se doit d'apprendre, de comprendre, de méditer et de mettre en pratique. Là, à ce moment-là, مَا شَاءَ اللَّهَ تَبَارَكَ اللَّهَ. Si tu vois une personne qui a une belle voix quand il récite le Coran al-Karim, est-ce que tu peux affirmer que c'est un pieux parce qu'il a une belle voix? Oui ou non? Pas besoin d'avoir beaucoup de science. Pourquoi? Tu vas voir un chiite, tu vas voir, peut-être il peut avoir une belle voix. Tu vas voir un soufi, il va avoir une belle voix. Tu vas voir même peut-être quelqu'un qui est très très très très loin de la religion, peut-être il peut avoir une belle voix. On est d'accord? Clair. Est-ce que parce qu'une personne récite avec une belle voix, et comme il se doit, d'accord, وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا, comme il se doit, ici avec les règles de tajwid, est-ce que tu peux affirmer par rapport à cet acte-là que c'est une personne pieuse? Non, tu ne peux pas. C'est pas un argument assez fort. Mais si tu vois une personne mettre en application le Qur'an al-Karim, est-ce que tu peux affirmer que cette personne est une personne pieuse? Oui ou non? Naam, le prophète alayhi salam n'a-t-il pas dit, si vous voyez une personne assister à quoi? À la prière en groupe à la mosquée, attester qu'il a une action. Une action. Une mise en pratique qui réside dans le Coran al-Karim. Qui réside dans le Coran, naam. La prière en groupe à la mosquée, naam. Qala jalla wa ala, warka'u ma'arraki'in. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, les gens s'inclinent où? Dans les mosquées, fi buyuti Allahi azza wa jal. Donc ici, regardez juste une pratique cultuelle. Ici, fait que quoi? Le prophète dit, attester qu'il a la foi. Mais Amma, le fait de lire bien, le fait de lire comme il se doit, est-ce que ça c'est une preuve que cette personne-là, ici, est une personne vertueuse? Non, mais l'application, c'est-à-dire, bien que ça fait partie de l'application, mais les actes cultuels, c'est le fait que quoi? Ici, tu parles avec véracité. Le fait que tu fais tes prières à la mosquée, le fait que tu t'écartes ici des ma'as et des désobéissants, etc. Ici, là, c'est plus clair pour dire, telle personne est pieuse ou telle personne est perverse s'il délaisse ces actions-là. C'est clair ou pas? Naam. L'importance de l'application. Clair. Donc ici, C'était un petit rappel, inshallah ta'ala. Et on va prendre ici le verset 12 de Surat Luqman. يقول جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Naam. Sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que par, que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne, et il est digne de louange. Clair, et il est digne de louange. Clair. Donc ici, on a une personne qui s'appelle Luqman. Certains disent Luqman alayhi salam. Certains disent que c'est un prophète. Certains disent que non, c'est un homme. Walakin, c'est un homme qui a été comblé de quoi? D'une sagesse venant de la part d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a donné une sagesse, une hikmah. D'accord? Il a été, ou pas une sagesse, mais beaucoup de sagesse plutôt. D'accord? Et on va expliquer la sagesse. C'était un homme droit, véridique, etc. Donc, ici, il faut apporter les preuves des savants, et particulièrement des compagnons. Radiallahu anhum wa ardahum. Pourquoi? Car ce sont eux qui ont compris le mieux cette religion. Pourquoi? Car ils ont été à l'époque où ils ont vécu à l'époque du prophète. Ils étaient proches du prophète alayhi salatu wassalam. Clair? Et le prophète a fait leur éloge, comme il est relaté dans Sahih Muslim, quand il a dit, khayrun nas, qarni, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui sont à mon époque. C'est-à-dire, les compagnons. Et les compagnons font partie des salafs. Clair? Ensuite, ceux qui viennent après, la génération après, et ensuite, ceux qui viennent après, at-tabi'in, et ici, atba'i tabi'in. Et ceux qui ont suivi encore les, d'accord, les tabi'in. Clair? Donc ici, ils font partie des meilleurs des gens. Ils font partie des salafs. Ils sont à la tête des salafs, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Luqman? Pour bien comprendre, ici ces versets coraniques. On a d'abord ici l'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala. Ça, ce n'est pas, bien sûr, un compagnon. Mais je prends le tafsir de l'imam al-Baghawi, qui est mort à peu près dans l'année de l'Hégire 510-515, si mes souvenirs sont bons. Donc l'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, il dit, il y a ijma', unanimité des savants sur le fait que quoi? Luqman n'était pas un prophète ni un envoyé. Il dit, il y a ijma'. Il dit, sauf, ici, il dit, sauf Ikrima. Il dit que Ikrima était le seul, d'accord, qui a rapporté que Luqman était un prophète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune preuve du Coran et de la Sunna qui nous montre que Luqman, cet homme-là qui est cité dans cette sourate, était un prophète ou un envoyé. On n'a aucune preuve, ni du Coran, ni de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a la parole de l'imam al-Baghawi, qui nous dit qu'il y a ijma', consensus des savants sur le fait que Luqman n'était pas un prophète ni un envoyé, si ce n'est la parole de Ikrima, qui disait que c'était un prophète. On continue, incha'Allah ta'ala. Ici, al-ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jumhur ahli al-ilm, ala anna Luqman kana abdan saliha. La majeure partie des gens de science ont rapporté que c'était un serviteur, c'était un esclave vertueux, pieux. D'accord, on continue. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الأشعاب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضى قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. Celui qui a reçu l'invocation du prophète عليه الصلاة والسلام. Clair? عبد الله بن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. Ici, il rapporte que Ibn Abbas a dit, il a rapporté qu'Ibn Abbas a dit, ici Luqman était un esclave abyssin et qu'il était menuisier. Voilà les informations qu'on a. Étape par étape, on donne ces informations. Donc, abyssin, esclave, et qu'il était menuisier. قال مجاهد رحمه الله تعالى كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين. Ici, مجاهد disait que لقمان, ici, رحمه الله تعالى كان عبدا أسود. C'était un, c'est un esclave qui était de couleur noire. Attention. J'insiste ici, de couleur noire. Vous allez voir pourquoi. De couleur noire, عظيم الشفتين, avec des lèvres épaisses. Avec des lèvres épaisses. Donc ici, il a été rapporté par plus d'un exégète, ici comme ici, Mujahid, que c'était un esclave noir. Clair. Al-ulama, ils disent, Allah Azza wa Jal, il rappelle ici aux gens, aux croyants, aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, que la couleur de peau, ici, n'est pas un rempart pour acquérir une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal ou une science. Claire? C'est pas parce que t'es noir et continue avec moi, ou pas parce que, c'est pas parce que t'es faible, ou alors t'es petit, ou alors t'es grand, ou alors t'es trop, yani fort, c'est-à-dire gros, ou alors t'es, qui fait, il y a aucune preuve ni du Coran et de la Sunna qui prouve que les caractéristiques que je viens de dire ici, vont t'empêcher d'être une personne agréée auprès d'Allah Azza wa Jal. Clair. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui importe le plus, c'est quoi? C'est quoi? قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل dit dans le Coran al-Karim, oh vous les gens, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى, on vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle, وجعلناكم شعوبا وقبائل, et on a fait de vous des peuples et des tribus. Naam, des peuples et des tribus. Pourquoi? Regardez, Allah Azza wa Jalla dit, on a fait de vous des peuples et des tribus. D'accord? Pourquoi? Lita'arafu. D'accord? Pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous fassiez connaissance les uns envers les autres. Khalas. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran al-Karim, il nous rappelle, attention, pas de sectarisme. Comme on voit au jour d'aujourd'hui ou pas, ça existe. Jusqu'à ce qu'on voit que dans des mosquées, des gens ont réussi à appeler certaines mosquées la mosquée des Marocains. Mosquée des Algériens, mosquée des Tunisiens, mosquée des Sénégalais, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sadaqa rabbul bariya idh yaqul fi kitabihi al-aziz, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah azza wa jalla ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son état. Donc ça sert à rien de dire Palestine, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tant que toi, t'as pas changé ton propre état, tant que toi, t'as pas changé l'état de ta famille, tant que nous, on n'a pas fait des efforts dans les mosquées, dans nos villes, dans nos foyers, Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état de la communauté. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il veut quoi que ce soit, il dit dans le Coran al-Karim, il suffit qu'il dise quoi? Kun fayakun. Est-ce que tu crois qu'Allah il a besoin de toi? Est-ce que si tu veux, si Allah Azza wa Jal veut exterminer tout un peuple, tout un pays, plus que cela, il veut exterminer toute cette planète, est-ce qu'il peut le faire en moins d'une seconde? Oui ou non? Kun fayakun. Mais Allah il veut qu'il y ait des causes, d'accord, qui soient faites de la part des croyants et des croyantes. Et ces causes sont quoi? Que chacun fasse un effort sur soi-même. C'est pour ça Allah il dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son état. Juste par rapport à ce point-là que je viens de citer là, on voit qu'on est encore loin de la vérité. Celui-là, il est marocain. Celui-là, khalas, d'accord, on est marocain. On est marocain, on n'est pas, on n'est toujours pas d'accord. Celui-là, il est berbère. Celui-là, il est riffin. Celui-là, il est souci. Celui-là, khalas, on est berbère, on n'est pas encore d'accord. Ici, celui-là est de telle tribu. Celui-là est de telle tribu. Celui-là, on est de la même tribu, on n'est pas encore d'accord. Celui-là est telle famille. C'est vrai ou pas? Ça existe. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Allah dit dans le Coran, c'est les paroles d'Allah. Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pour ça qu'Allah. Donc ici, il faut au contraire se mélanger. Et ensuite, Allah, il dit quoi? Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? Il n'a pas dit les noirs, les blancs, les marocains, les il a dit quoi? Les plus pieux. Ah, attaqwa. Taqwa Allah. La crainte pieuse. Il dit les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah, il dit quoi? Il regarde ni couleur ni, c'est les plus pieux. C'est ceux qui craignent le plus Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ceux qui s'éloignent le plus des désobéissances, qui s'accrochent le plus aux obéissances, c'est ceux qui mettent entre eux et la colère d'Allah un écran, et cet écran est quoi? Fi'lut ta'at wa tarkul ma'asi. L'accomplissement des œuvres salutaires et le délaissement des actes de désobéissance. Ce sont ceux-là qui sont aimés, agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa'ala, inna Allah ma'al muttaqin, wa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah est avec ceux qui le craignent, et Allah aime ceux qui le craignent. Allah aime cela. Ceux-là, ils sont accompagnés, ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont protégés par leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Les pieux, Allah ne regarde pas ici ton apparence physique, d'accord? Mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Naam, il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Bien que quoi? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah azza wa jal ne regarde pas, ni vos biens, ni vos, votre physique, mais il regarde votre cœur et vos actions, attention. Quelqu'un va dire, ah bah c'est le prophète Alayhi Salam, il a dit, Allah regarde pas vos actions, donc pas besoin de la barbe, pas besoin de la camise, pas besoin de tout. Non, continue avec moi Abdallah, regarde vos cœurs et vos actions. La barbe, ça fait partie des actions recommandées en islam, bien plus que ça, obligatoire, oui, khalas. Walakin, Allah Azza wa Jal, il te rappelle que quoi? Le prophète Alayhi Salam, il te rappelle que quoi? Khalas, c'est pas parce que t'es noir ou blanc, ou parce que t'es fort ou moins fort, que tu vas être aimé par Allah Azza wa Jal. Non, c'est la piété. Et la piété, ayu al-ahbab, doit précéder les œuvres salutaires si tu es sincère. Si tu es sincère et tu crains vraiment Allah Azza wa Jal, ici sache que comme disent les salafs et les compagnons, le cœur c'est quoi? Le roi. Et les membres c'est quoi? Les soldats. Ils exécutent ce que le roi dit. Si ton cœur est pur et ton cœur est saint, et il est rempli de crainte d'Allah Azza wa Jal et de piété et de sincérité, tu n'es pas un menteur, tu ne mens ni à Allah, ni aux gens et ni à toi-même, sache que les soldats, les membres, ils vont suivre et ils vont obéir. Et là, tu vas faire ta prière, tu vas parler qu'avec véracité, tu vas craindre Allah, tu vas faire ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, tu vas faire que des actions de bien. Si le cœur, afwan ici, il est corrompu, le reste des membres seront corrompus et tu feras des actions mal. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wasallam dit comme ja'a fi sahih, il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est sain, tout le reste du corps est pur et sain. Naam. Si ce morceau de chair est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Ala wa wahiya al-qalb. Le prophète alayhi salam il a dit quoi? C'est quoi? C'est le cœur. Le cœur est bon, tout le reste est bon. Le cœur est corrompu, tout le reste est corrompu. Luqman, qui Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a eu toute une sourate dans le Coran al-Karim qui a été révélée et qui a été intitulée Luqman, son nom, qui a porté son nom. Regardez, subhanallah, c'était un homme noir. Regardez, c'était un homme noir. Ça, c'est une preuve que vous devez utiliser même dans votre da'wah quand les gens sont ici, se sont renfermés dans ce qu'on appelle, wal'iyadhu billah, le sectarisme aveugle fondé sur les passions et sur les plaisirs. Clair? Et Allah Azza wa Jal, quelque part ici aussi, comme disent Ahlul Ilm, il nous rappelle qu'on doit être équitable plutôt et juste aussi. Équitable et juste. Clair? Allah Azza wa Jal nous rappelle que quoi? Khlas, ne vous fiez pas à la couleur ou à l'aspect physique d'une personne. Non, c'est la crainte pieuse. D'accord? Soyez juste quand vous quoi? Quelque part, on ressent quoi ici? Soyez juste quand vous jugez. D'accord? Soyez juste quand vous jugez. Et l'islam, tout le temps, il nous le recommande. Donc, ne fais pas attention à la couleur. Comme Allah Azza wa Jal te dit, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ. Regardez, toujours l'équité dans, et la justice dans le jugement. Et soyez équitable, juste, d'accord? Quand vous parlez, même s'il s'agit d'un proche, d'accord? Quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, sois toujours équitable. Tu ne regardes pas ici. Pourquoi? Allah, il veut que tu suives toujours la vérité. D'accord? Et que tu t'accroches à cette vérité et que tu ne suives pas les gens aveuglement. Ou que tu ne te fasses pas avoir par le physique d'une personne. Ou alors la notoriété d'une personne. Ou bien les paroles que peut sortir une personne qui peut endormir certaines personnes. Non! Walakin, suis la vérité, Abdullah. Et quand tu t'as réussi à trouver la vérité, accroche-toi à cette vérité. Et ne t'accroche pas aux gens. Et ne suis pas les gens aveuglement. Walakin, accroche-toi et suis toujours la vérité jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Et cherche à satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en délaissant la satisfaction des gens comme a dit Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha à qui Muawiyah radiallahu anhu wa ardaha wa arda. Ici, une montagne de piété. Aisha a une montagne de piété, Muawiyah. Une femme qui donne une recommandation à un homme. Regardez subhanallah. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ya Muawiyah. Cherche la satisfaction d'Allah azza wa jal. Et délaisse la satisfaction des gens. Tu recevras la satisfaction et l'agrément d'Allah, des anges et des gens. Subhanallah. Et c'est vrai, quand tu cherches pas à satisfaire les gens, wallah, à la fin, même les gens, ici, même les gens qui sont contre toi, quelque part, ils reviennent vers toi. Et reconnaissent, ici, la véracité de tes propos. Même s'ils s'y soumettent pas. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens, wallah, même qu'ils n'acceptaient pas, ou ils ont pas adhéré à sa religion, au fond d'eux, ils savaient que c'était la vérité. Mais ils se sont pas soumis à quoi? À cette vérité. Il y a une différence entre reconnaître la vérité et se soumettre à la vérité. Deux choses différentes, comme on l'a déjà vu dans la sirah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle dit, si tu cherches la satisfaction des gens, en délaissant la satisfaction d'Allah azza wa jal, tu recevras la colère. De qui? Allah, les anges et les gens. Regarde, quand tu cherches à satisfaire les gens, à la fin, ces gens-là, ils sont même pas satisfaits de toi. Mais quand tu cherches à satisfaire Allah, peu importe, les gens, ils parlent. Dans tous les cas, ils parleront toujours. Mais tu cherches à satisfaire Allah azza wa jal, ici, à la fin, wallahi, Allah, les anges, et même les gens seront satisfaits de toi. Parce que l'insan, quand il reconnaît pas, ici, la véracité d'une personne, de façon ouverte, au fond de lui, il la reconnaît quand même. Au fond de lui, il reconnaît. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, wa akhlas, je veux pas écouter un tel. Mais au fond de lui, wallahi, il dit, je sais qu'il a raison. Walakin la ghalab. Pourquoi? Malade du cœur. Walakin, au fond, il fait. Pourquoi? Parce que c'est Allah azza wa jal qui le veut. Wa sadaq al habib, alayhi salatu wa salam. Certains livrés, le prophète alayhi salam, quand il dit, quand Allah Azza wa Jal aime une personne, il dit à Jibril alayhi salam, ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et ensuite Jibril alayhi salam dit aux anges, Allah aime un tel, aimez-le. Et Allah Azza wa Jal, il fait que quoi? L'amour envers cette personne descend dans le cœur des gens ou sur le cœur des gens. Et les gens l'aiment, cette personne. Et quand Allah déteste une personne, il dit à Jibril, je déteste un tel, déteste-le. Jibril répond à l'information, le malaïka, il déteste cette personne. Et Allah Azza wa Jal, il fait que quoi? Les gens détestent cette personne-là. Les gens détestent cette personne-là. Mais on dit les gens de quoi? Les gens de bien t'aimeront. Parce que ici, si la personne croit que tout le monde va l'aimer et que si tout le monde ne l'aime pas, c'est une preuve qu'il est égaré, nous lui disons t'es pas mieux que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et même le prophète alayhi salatu wassalam, des gens ne l'aimaient pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, des gens ne l'aiment pas. D'accord? Mais ici, la majeure partie des gens de bien et connus pour leur piété t'aimeront. Si tu es sincère, véridique et si tu es aimé par Allah Azza wa Jal. Donc on dit aux gens, suivez la vérité, suivez les gens de piété et délaissez les choses ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas ordonné de prendre en compte pour pouvoir juger une personne. Comme la couleur d'une personne, le physique d'une personne, l'argent d'une personne, la notoriété d'une personne, etc. Luqman, alayhi salam, on dit rahimahullah. Donc ici, alayhi salam, c'est un terme qu'on utilise en général pour les prophètes ou les envoyés. Donc on ne dit pas alayhi salam. Pourquoi? Parce que les gens risqueraient d'être induits en erreur en pensant que c'est un prophète ou un messager. Donc il a vécu, comme disait Ahlul Ilm aussi, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres gens de science, il y a beaucoup de récits ici, ça prendrait trop de temps de les citer. Il a vécu à l'époque de Daoud alayhi salam. Daoud est un prophète. Claire? Daoud alayhi salam, on a parlé de Daoud et on a parlé aussi de Sulayman alayhi salam. Claire? Et donc ici, il a été connu. Donc Luqman, qui a été doté de sagesse, al-hikam. Il a été doté et il était connu pour sa droiture, son équité, sa science, sa patience. Le fait qu'il parlait très peu, qu'il donnait des recommandations, et comme on va le voir, et particulièrement à son fils, qui valent plus que de l'or. Des recommandations qui sont utilisées dans les sermons, dans les exhortations, dans les conférences, ici jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui seront utilisés inshallah ta'ala jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour dernier par les gens de science et par les prédicateurs et les imams. Luqman, ici, cet homme sage, avait été doté aussi ici de paroles véridiques et d'une bonne expression. Et il était connu pour parler toujours avec équité et juger avec équité ici d'après tous les récits qui ont été apportés par rapport à lui. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ الْحِكْمَةَ » D'accord. Donc Luqman, on a compris c'était qui. C'était un homme noir, menuisier, sage, équitable, etc. On a vu c'était quoi? Le fait, ou qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon ici sur sa couleur? C'est que quoi? Il est noir, comme toi. Masha'Allah. Donc c'est quoi? C'est quoi qu'on a tiré? C'est que? Subhanallah, oh, je parle avec les murs ou quoi? C'est pas un critère de piété. Masha'Allah. D'accord? Inna akramakum indallahi atqakum. Suis la vérité. D'accord? Et ceux qui détiennent la vérité. D'accord? Il ne te fait pas avoir par des choses qui ne sont aucun argument qui prouve que c'est une personne pieuse ou pas. Claire. Al-hikma, qu'est-ce qu'il a été donné à Luqman? C'est al-hikma, la sagesse. Al-hikma, ici, qui a été donné, la sagesse qui a été donnée à Luqman, la majeure partie des gens de science ont dit, c'était quoi? Al-fiqh fid-din, la bonne compréhension dans la religion. Parmi les choses, la crainte. Khashyatullahi azza wa jal. Khashyatullah, al-khashya, ici, la différence entre, ici, al-khashya et al-khawf, c'est quoi? On a dit plusieurs fois, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahmahullah ta'ala, al-khawf, c'est? Et al-khashya? Ad-dalil? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. La peur, c'est tout le monde peut l'avoir. Claire? Un musulman, non musulman. T'as peur de quelque chose, t'as peur d'une chose, t'as peur d'une bête féroce. Et ici, al-khashya, c'est la peur accompagnée de science. Ah. D'accord? Donc là, celui qui apprend à connaître son Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, à travers le Coran et la Sunna, il va avoir peur d'Allah? Non. C'est pas que la peur naturelle. C'est la peur accompagnée de science qu'on appelle al-khashya. Et c'est pour ça qu'Allah dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. D'accord? Il parle de cette crainte, celle que détient ceux qui craignent le plus Allah Azza wa Jal, et il dit ce sont les savants. D'accord? Et cette crainte, ce sont les savants qui la détiennent. Donc on en déduit c'est la peur accompagnée de science. D'accord? Donc ici, c'est il avait al-khashya, khashyatullah Azza wa Jal. Et il avait la bonne expression, la parole juste. D'accord? Donc c'était une personne qui avait une bonne compréhension, c'est-à-dire de la science. Et de la bonne compréhension. Et la différence entre apprendre la science et comprendre la religion, entre les deux, il y a un océan. Claire? Parce que tu peux apprendre tout le Coran par cœur sans comprendre un verset du Coran. C'est vrai ou pas? Si tu l'apprends mécaniquement, c'est ça. Tu peux apprendre plein de hadith sans les comprendre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le prophète alayhi salam, il dit dans le sahih, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِيَخَيْنَا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui à qui Allah veut du bien, il va lui donner la bonne compréhension de la religion. Il n'a pas dit la science, la bonne compréhension de la religion. Apprendre et comprendre, comme je dis souvent, c'est deux choses Différente, d'accord. Al-fiqh fi din, il comprenait bien la religion. Et le sage, ou une personne qui a de la sagesse, obligatoirement, s'il a vraiment de la sagesse, d'accord, confirmé, c'est une personne qui a une bonne compréhension de la religion. Il n'a pas que la science, il a une science bien comprise. Khalas, tu vois quelqu'un qui a de la sagesse, c'est qu'il a une science bien comprise, clair. Al-fiqh fi din, il parlait avec des paroles justes, d'accord. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Azza wa Jalla nous ordonne, d'accord, quand, de craindre Allah Azza wa Jalla et de parler avec des paroles justes, équitables, droites, avec droiture. Khalas, pas d'ambiguïté, pas de perversité, pas des jeux, non, directement droit. Qala Allah qala Rasul bi fahmi salafi al-umma bil hikma wal maw'izati al-hasana. Ah, ud'u ila sabili rabbika bi bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Allah il dit dans le Coran, appelle au sentier de ton Seigneur, fais da'wa, d'accord, on doit tous faire da'wa, c'est un ordre, avec quoi? Bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Regardez le hikma, l'importance de le hikma. Avec sagesse et bonne exhortation. La preuve que si tu veux avoir une da'wa complète, une prédication bien comme il se doit, conforme au Coran et à la sunna bi fahmi salaf al-umma, tu te dois d'avoir ce qu'on appelle al-hikma. Mais si tu ne sais pas c'est quoi al-hikma, comment tu vas faire? Al-hikma. Wa laqad atayna luqmana al-hikma. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ الْحِكْمَةَ. Donc on a dit, la majeure partie des gens de science, ils ont dit c'est cette sagesse qui a été donnée à Luqman. Al-Hikma a été décrite par des gens de science comme Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, comme étant, Ibn al-Qayyim, une parole que je vous dis souvent, il rappelle ici que c'est quoi? Le fait de faire ce qu'il faut, ou de dire ce qu'il faut, d'accord? De placer les choses à leur endroit, d'accord? De la manière qu'il faut et au moment où il faut. Masha'Allah. Pour moi, d'après ma petite science, ou petit degré de science, c'est la description ou la définition la plus complète que j'ai trouvée d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala. D'accord? Dans Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants. Ici, Ibn al-Qayyim nous rappelle que quoi? C'est de savoir comment réagir. De quelle manière réagir. Et à quel moment réagir. C'est pour ça que tout ce que tu sais, tu dois pas le dire tout le temps. Savoir quand faire da'wa avec une personne. Non, celui-là, ça sert à rien que je cite ces hadiths-là. Il va le prendre mal. Tiens, celui-là, je peux lui dire ça. Celui-là, c'est pas le moment que je lui fasse da'wa maintenant. Faut faire après. D'accord? Celui-là, je vais lui faire da'wa, mais je vais être un peu plus dur avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a 5 ans de religion. Non. Celui-là, il est nouveau. Ikhlas, je vais lui rappeler les versets sur At-Tawba, sur Rahma, etc. Ah, celui-là. Un petit exemple ici de façon très brève. En gros, grossièrement ici. C'est pour vous rappeler ici que Al-Hikma, c'est indispensable dans la religion. C'est pour ça Ibn Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, Sheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il rapporte يعني بعض القواعد ici dans le fiqh, dans la jurisprudence, et parmi ces règles c'est quoi? Nunazzilu an-nas manazilahum. C'est-à-dire il rappelle qu'on doit se mettre, et on avait tiré, d'accord, istanbata hadhihi al-qawa'id min al-hadith al-mashhur, le hadith où le bédouin est rentré dans la mosquée et il a uriné. Tous les compagnons se sont levés, il y avait certains qui voulaient le frapper, un bédouin il a uriné dans la mosquée. Le prophète a dit "Khlas, laissez-le finir." Il a fini d'uriner. Le prophète Ali Sassam, il l'a appelé. Il l'a posé devant lui, il lui a expliqué. Il lui a dit, les mosquées ne sont pas faites pour ça. Les mosquées sont faites pour la prière, dhikrullahi azza wa jal, la lecture du Coran, etc. Et ensuite, ici, dans une version, certains disent qu'elle n'est pas authentique, à la kulihal, il aurait dit, Allahumma arhamni wa arham Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Allah fait miséricorde à moi et Muhammad est fait miséricorde à personne d'autre en dehors de nous. Pourquoi? Il a vu, il dit, regarde comment ils ont réagi avec moi, le prophète avec sagesse. Si quelqu'un rentre à la mosquée maintenant, il veut uriner. Parce qu'il y a une dahloué. Parce que les gens vont le... Juste quelquefois dans des mosquées, ils s'inquiètent quand il y a des personnes, certaines personnes, à la kulihal, ils gèrent des mosquées, quand ils voient des jeunes, ils viennent, ils connaissent pas, ils commencent à gaspiller de l'eau, ils leur crient dessus, oui. Subhanallah. Allô, le hikma, allô, la sagesse. Pas de sagesse. Pas de sagesse ici. Donc ici, le prophète Ali Sosam, déjà, pourquoi il a laissé uriner? On va pas laisser n'importe qui uriner. Il a laissé uriner, pourquoi? Parce que c'était un bédouin. D'accord? Arabi. C'est pas arabe, non. Arabi. Arabi, c'est un bédouin. Et les bédouins, c'était ceux qui vivaient loin des villes. Et ils avaient très peu de science. Ils savaient qu'ils connaissaient rien. Et c'était le début de l'islam. Il s'est dit, on va lui expliquer. Il a pas fait par provocation. Il a fait par ignorance. Deuxième des choses. Pourquoi le prophète, il a dit, laissez-le parmi les sagesses? Parce que le fait de le couper, ça va lui porter un plus grand préjudice. Parce que maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est prouvé par les médecins que si quelqu'un urine, azzakumullah, et si tu l'empêches de continuer son urine d'une façon très brusque, ça peut lui porter préjudice. Alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. Muhammad alayhi salatu wassalam. Il lui a dit non, laissez-le. Ça, c'est la preuve que quoi? Il voulait arrêter un mal. Mais dans le fait de l'arrêter d'uriner, il allait avoir un plus grand mal ou un autre mal. Ou si ce n'est un autre mal, c'est tout. C'était le fait que ça allait porter préjudice. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit de là, on dit, quand tu veux arrêter un mal, d'accord? Et tu sais que le fait d'arrêter ce mal, ça va apporter un autre mal? Fala nunkir. Si tu ne peux enlever un mal que en provoquant un autre mal, alors à ce moment-là, tu n'interdis pas le mal. Par exemple, tu vas voir un ivrogne et tu vas lui parler d'Allah. Tu dis, mais je sais que si je lui parle d'Allah, il va prendre mal, il va insulter Allah. Ah, tu vas vouloir faire le bien, mais ça va apporter un autre mal. Donc ici, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu attends. Tu reportes, mashallah. Quelqu'un qui a pas de science, il va te dire, non, tu fais pas. Non, tu reportes. Pourquoi? Parce que ad-da'watu ila Allah azza wa jal, wajib. C'est obligatoire. Ad-dalilu ala dhalik, ud'u wal amru lil wujub. Allah, il a ordonné, il a dit, appelez au sentier d'Allah azza wa jal. C'est obligatoire. D'accord? Donc ici, tu reportes après, par la suite, parce que da'watu ila Allah, c'est obligatoire. Mais avec sagesse. Quand faut reporter, quand faut faire, comment faire, de quelle manière, quand il faut parler de l'enfer, quand il faut... Donc ici, c'est une sagesse, d'accord. Et c'est pour ça, Ibn Qayyim, il dit, c'est de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut et au moment qu'il faut. Et de façon générale, on peut réunir toutes ces paroles. C'est le fait d'avoir al-fiqh fi din, parce que ça se rejoint aussi. La compréhension dans la religion, d'accord. La crainte pieuse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dire la bonne parole, tout ça se rejoint ou pas? Ça se rejoint, tout ça fait partie de l'hikmah. Faire ce qu'il faut, avoir le comportement qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Tout ça a été donné à Luqman. Ici, le sage al-Hakim. Al-Rashid, le droit. Luqman, c'était un homme vertueux qui Allah Azza wa Jalla lui a octroyé tous ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla lui a donné ici tous ses bienfaits. Écoutez bien et regardez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Il dit, celui à qui il a été donné al-Hikmah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il dit, celui à qui il a été donné le hikmah. Quelqu'un qui n'apprend jamais sa science, qui n'a pas de science, et qui, à travers son comportement, tu vois pas des actes de piété, cherche même pas à comprendre est-ce que c'est un sage ou pas, c'est impossible. C'est 100%, 200% si tu veux, ce n'est pas un sage. C'est pas possible. Parce que ça a des signes. Ça a des signes. C'est quoi les signes? La définition de le hikmah, c'est quoi? De faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Al-fiqhu fi din, la compréhension dans la religion, la crainte pieuse, la bonne parole. Donc, khalas. Si celui qui a ces caractéristiques-là, c'est une preuve bi-idnillahi azza wa jal qu'il a de la sagesse. Mais s'il est loin de ça, il n'a pas de bonne compréhension. C'est-à-dire, s'il apprend pas, il n'a pas de bonne compréhension. Il n'a pas de bonne compréhension, il n'a pas de science, il n'a pas de crainte d'Allah azza wa jal. À travers son comportement, il a un comportement, comme Allah azza wa jal l'a dit, outrancier wal-iyadu billah. D'accord? À ce moment-là, sache que ça c'est une preuve. Car on ne juge pas les intentions, mais on juge les actions. Comme il a dit Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu wa arda. Il dit à l'époque du prophète alayhi salam, on pouvait juger les gens avec de selon leur intention, parce que le prophète il avait la révélation, mais aujourd'hui il n'y a plus de révélation, donc on juge les gens selon leur action. D'accord? Donc ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, celui à qui il a été donné al-hikmah, la sagesse, il lui a été donné meilleur que cette vie d'ici-bas, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Pourquoi? Regardez bien les paroles des savants. Il dit, il lui a été donné meilleur que la vie d'ici-bas et ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas. لأن الله قال في كتابه العزيز قل متاع الدنيا قليل. Suivez bien. Parce qu'Allah a dit dans le Coran al-Karim, dit, la jouissance d'ici-bas est peu. C'est-à-dire, elle est éphémère. قليل. Tandis quand Allah Azza wa Jalla, il a parlé de l'hikma, il a dit quoi? يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Ensuite, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit, « Walakin, seuls les doués d'intelligence et ceux qui réfléchissent comme il se doit, se rappellent et comprennent ça. » Regardez, il a mis deux versets coraniques pour rappeler que quoi? Que la sagesse, c'est meilleur que toute la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand Allah parle de la vie d'ici-bas, il dit quoi? Il dit, la jouissance de la vie d'ici-bas, elle est peu, c'est éphémère, c'est rien. Donc, il a décrit la vie d'ici-bas. Mais quand il parle de la hikmah, il dit, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ. Il donne la sagesse à qui il veut. Car c'est un don qu'Allah Azza wa Jalla donne aux serviteurs, pieux, vertueux, qui mérite. Et il dit, et celui à qui il a été donné la sagesse, certes, il lui a été donné, خَيْرًا كَثِيرًا. Un grand bienfait. Donc, il dit, quand il décrit la sagesse, il parle de quelque chose de grand. Quand il décrit la vie d'ici-bas, il parle de quelque chose de petit. Ça, c'est la preuve que celui à qui il a été donné la sagesse, il a été donné ou il lui a été donné un bien qui est encore meilleur et qui vaut plus que la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient, car la vie d'ici-bas a été décrite par les paroles d'Allah Azza wa Jal. قُلْ ici مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيل. La vie d'ici-bas ou la jouissance de la vie d'ici-bas est éphémère, elle est peu. C'est quelque chose de peu, c'est-à-dire court, peu, réduit, éphémère. C'est clair? C'est compris? خلاص. Et ici Allah Azza wa Jal, il a ordonné à ici Luqman de remercier Allah Azza wa Jal, d'être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Il dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ anishkur lillah. Khalas. On t'a donné la sagesse. Donc, sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fawaïd à prendre de ce verset. L'Aïcha, ça, quelle heure? 48. Allah al-Musta'an. Vous avez vu, on est resté que dans Walaqad Atayna, on est resté que dans Luqman et l'Hikma. Deux mots. Vous voyez la différence entre lire le Coran sans comprendre et lire le Coran en comprenant le Coran et avec science? Une grande différence ou pas? Une énorme différence. Et sans fausse modestie ou sans pour vouloir me... Non, plutôt on va dire sans se glorifier. Voilà, nous Allah, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est pas pour dire, j'ai vraiment abrégé. Parce que si on serait resté à table ou alors on serait resté longuement sur toutes les paroles, à quoi l'ulama sur ici l'Uqman et Al-Hikma, on pourrait rester des heures. Donc ici, simplement pour vous rappeler qu'on a besoin de science pour la bonne compréhension de Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Et on continuera bihawlillahi azza wa jalla la semaine prochaine avec la suite de l'explication de cette page concernant le récit de Luqman, le sage Al-Hakim. Et demain, bihawlillahi azza wa jalla, on a un rendez-vous avec ici les questions-réponses. Il nous reste 40 ou 50 questions des frères et sœurs qui suivent sur internet. Et ensuite, on prendra les nouvelles questions-réponses. Inch'Allah ta'ala wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.